Ce soir, parce que tu es au centre de notre existence, tu es la source de notre vie. Les prières que nous t'avons exprimées ce soir, tu les prends en charge. Le destin de notre nation est entre tes mains. Nos lendemains meilleurs sont entre tes mains. Notre réussite est garantie à toi, Seigneur. Notre prospérité est assurée en toi. Nous sommes à tes pieds encore ce soir. Communique-nous quelques pensées de sagesse qui nous accompagnent dans notre marche avec toi. Que seul Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu cet après-midi. Jour pour jour, nous cheminons dans notre marche. Et après dimanche, il nous restera seulement une semaine. Et voilà, c'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'il plaise à Dieu, chaque année, nous ayons des rendez-vous comme celui-ci. Des rencontres qui apportent un renouveau et souffle nouveau dans notre marche. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème, tout ce qu'il fait, lui réussit. Une promesse de Dieu. La réussite dans la vie est une promesse divine. Et Dieu prend en charge tout ce qu'il dit. Et nous avons commencé à parler d'un sous-thème. Réussir dans la profession pour augmenter l'impact chrétien. Par la grâce de Dieu, nous allons achever cette portion de la pensée sous ces grands thèmes. Nous avons été en train de parler pour montrer que toute profession d'un enfant de Dieu, c'est un ministère que Dieu nous donne. La boutique, le magasin, le supermarché que Dieu vous a confié, c'est un lieu à travers lequel il veut se révéler à ceux qui arrivent auprès de toi. L'élévation dans un poste que le Seigneur te confie, c'est une opportunité pour démontrer qui Dieu est capable de faire. Et lorsque les enfants de Dieu réussissent dans toutes les dimensions de la vie, cela crée un effet positif dans l'environnement où nous vivons. Et cela crée un impact positif. Je vais vous recommander chacun d'aller méditer davantage l'expérience de Job. Parce que son expérience reste un des exemples importants de comment un enfant de Dieu peut influencer son environnement. Par sa richesse, par sa connaissance, par sa présence, par tout ce que Dieu fait à travers un enfant de Dieu, il y a un message à communiquer à l'homme. Et nous étions en train de parler des principes qui nous accompagnent dans notre processus, dans notre marche vers le succès. De manière simple, les principes pour réussir dans la profession. Nous avons montré que le succès n'arrive pas au hasard. Ça, c'est la bonne phrase qu'il faut retenir dans tout ce programme. Iyo ni msemo ambao ushike katika mpango huu. Si je vais réussir, ça n'arrivera pas par hasard. Kama natamani kufahulu, haitafika kwa ghafla. Il y a un processus. Kuna viwango qui doit obéir à un certain nombre de principes. Ambavyo inabidi vitii kanuni fulani. Il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Kuna vitu ambavyo itabidi tufanye. Qui doivent produire des résultats qu'on appelle réussite ou succès. Zitakazoleta hiyo matokeo ambayo tunaita ushindi. Hier nous avons parlé de la loi de la connaissance qui est incontournable pour réussir dans la vie. Jana tumeongelea sheria ya ujuzi ambayo inahitajika kwa kuweza kufaulu katika maisha. Nous avons montré que nous ne pouvons pas aller au-delà de notre niveau de connaissance. Tumeonesha kwamba mtu hawezi akakwenda zaidi ya ujuzi wake. Et la qualité de notre connaissance détermine la qualité de notre résultat. Hali bora ya ujuzi wetu itaonesha hali bora ya ushindi wetu. La connaissance augmente notre intelligence. Ujuzi unazidisha akili yetu. Pour que nous soyons meilleurs dans notre domaine professionnel. Ili kwamba tungae ndani ya kazi yetu. Daniel le disait très bien que ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Kitabu ya Daniel inasema vizuri, wale waliokuwa na akili na ujuzi watangaa. Vous avez besoin de l'intelligence pour prospérer et exceller dans votre domaine professionnel. Unahitaji kuwa na ujuzi na akili kwa kuweza kuendelea mbali ndani ya kazi unafanya. Et notre deuxième point qui est une de loi incontournable dans la profession. Na pointi yetu ya pili ambayo ni sheria ambayo hauwezi kuepuka. C'est la qualité et l'excellence. Inakuwa ni hali bora. La qualité, l'excellence dans la profession. Hali bora ndani ya kazi. S'il n'y a pas de qualité et d'excellence, votre travail est appelé à disparaître. Kama ndani ya kazi yako hakuna hali bora ndani yake, hiyo kazi itapotea. La profession d'un enfant de Dieu a double objectif. Kazi ya mtoto wa Mungu inakuwa na lengo mbili. Le premier objectif, c'est être une source de revenus pour vous. Lengo ya kwanza ni kwamba ikufaidie. C'est comme un produit que vous mettez sur le marché. Ni kama vile biashara ambayo naweka sokoni. Même si vous priez sur un produit, s'il n'est pas de qualité, ça ne va pas marcher. Hata kama unaombea hiyo biashara kama si ya hali bora, haitauzwa. Nous avons montré que même Dieu est attaché à la qualité, à l'élégance, à ce qui est beau. Tumeonesha hata Mungu anahitaji mambo iliyo na samani. Et donc la profession qui est votre source de revenus, inamaanisha kazi ambayo inakuwa chemchemu ya faida yako, doit obéir à la qualité et à l'excellence. Yabidi ndani mwake muwe hali bora. Peu importe le domaine professionnel. Haijalishi kazi gani unafanya. Il n'y a personne qui a envie de la médiocrité. Hakuna mtu anahitaji mambo ya bure bure. Les gens viendront parce qu'ils ont apprécié ce que vous êtes en train d'exposer. Watu watakuja sababu watafurahia yale ambayo unawapatia. Nous parlons de l'argent. L'argent c'est la contrepartie de ce que vous offrez. Tunaongelea pesa. Pesa unaipata ni wakati kuna vitu na wewe unapana. Si quelqu'un a apprécié le livre que vous avez écrit, il va vous donner l'argent et vous lui avez donné la connaissance. Kama mtu anafurahia kitabu uliyoandika, atakupa pesa maana na wewe unampatia ujuzi. Quelqu'un est édifié par un album que vous avez produit, il est béni, il vous donne l'argent, vous lui avez donné une autre chose. Mtu anafurahia kanda uliyotoa, atainunua na kukupa pesa maana kuna kitu unampa. Et autant d'exemples ça peut exister. Na mifano. Et donc nous devons avoir l'œil sur la qualité si nous voulons réussir dans la profession. Yamanisha tujue kuwa watu wakutamani kuwa na hali bora kwa mambo tunayofanya ili kwamba kazi yetu ifahulu. Et le deuxième objectif de votre profession, na lengo ya pili ya kazi yako, c'est ce que nous avons déjà dit, c'est que c'est un moyen par lequel Dieu veut parler à votre environnement. Ni kwamba ni njia ambayo Mungu anapenda kupitia kwa kuweza kuongea na mazingira yako. Nous avons montré que pour la qualité et l'excellence, vous n'avez pas deux chemins, c'est la compétence qu'il faut. Na tumesema kwamba ili kwamba mambo unafanya iwe na hali nzuri, inabidi uwe na ujuzi. Dans certaines croyances religieuses, certains ont pensé que à priant beaucoup, à chantant beaucoup, ça ne remplace pas la nécessité de développer vos compétences. Ndani ya dini fulani watu walizania kama wanapoomba na kufunga ndio mambo itakuwa mazuri. Hapana, maombi haitachukua nafasi ya ujuzi wako. Et on a même observé dans beaucoup d'initiatives chrétiennes, les gens ont beaucoup prié, ils ont oublié qu'il fallait travailler aussi les compétences. Na tumeona katika mambo mengi wa Kristo wanafanya, wanaviombea sana kuliko watumike juu ya ujuzi bora ya mambo wanafanya. Nous avons beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup d'assurance, mais nous oublions que la foi, l'assurance ne remplace pas la qualité du travail que vous devez faire. Tunajitoa katika mambo tunafanya lakini tunasahau ya kama ujuzi ni wa maana. Et Proverbe 22:29 nous a rappelé quelque chose. Mezali makumi mbili na mbili, ishirini na tisa. Si tu trouves un homme habile dans son travail, Kama unakuta mtu aliyesuja ndani ya kazi yake, il se tient auprès des rois. Huyo mtu anakaa pembeni ya wafalme. Sabi, un travail bien fait, il vous honore. Inamaanisha kazi inayofanyika vizuri inakuheshimisha. Si je suis à côté de roi, c'est que je suis à côté de personnes élevées et dignes. Wakati niko pembeni ya mfalme inamaanisha niko pembeni ya watu walio inuliwa na kuheshimika. Un travail fait avec qualité et excellence vous fait respecter. Kazi inayofanyika vizuri inakuheshimisha. Un travail vous fait honorer, un travail fait avec excellence. Kazi inayofanyika vizuri inafanya kwamba uwe na heshima mbele za watu. Et il ne s'agit pas simplement de profession comme nous les avons citées, même le ministère doit être fait avec excellence. Haiko tu katika makazi zetu za mikono, hata katika huduma tufanye mambo na samani kubwa. Alléluia. Amen. L'excellence et la qualité commencent d'abord dans l'œuvre de Dieu. Hali nzuri tunapaswa kuianza ndani ya kazi ya Mungu. Et ensuite elle nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Na inatusindikiza katika yote tunafanya. Aujourd'hui, je voudrais parler de trois autres choses, j'espère que par la grâce de Dieu ça sera possible. Leo nitaongelea mambo tatu. Et je voudrais ajouter une de loi importante pour les gens qui veulent réussir dans la profession. Ninaongezea sheria ya tatu iliyo nzuri kwa kuweza kufaulu ndani ya kazi. C'est la loi du contrôle du système. Non, la loi du contrôle du système de pensée. Inakuwa sheria ya kuchunguza namna ya mawazo. La loi du contrôle de votre système de pensée. Sheria ya kuchunguza namna ya kuwaza. Il y a toujours quelque chose qui contrôle votre vie sans que vous le sachiez ou que vous soyez conscient de ça. Upende usipopenda kuna kitu moja inachunguza maisha yako. Qui contrôle ta vie? Ambayo inelekeza maisha yako. Qui contrôle ta pensée? Inelekeza mawazo yako. Qu'est-ce qui est derrière toutes les réflexions que tu as? Nini iko kinyume nyuma ya mawazo yote unapata? Toutes les actions que nous posons dans la vie, mambo yote tunafanya katika maisha, sont le reflet de nos pensées. Inaonesha mawazo yetu. Et nos pensées s'inspirent d'une certaine origine quelconque. Na mawazo yetu inakuwa na chemchemu fulani. Et quand vous lisez dans Proverbe 23, le verset 7, ukisoma Mezali 23 mstari wa 7, la Bible déclare, il est comme les pensées de son âme. Biblia inasema yeye ni kama mawazo ya nafsi yake. L'homme est le reflet de ses pensées. Mtu anaonesha anaishi ile iliyo mawazo yake. La qualité de la vie d'une personne, hali nzuri ya maisha ya mtu, est déterminée par la qualité de ses pensées. Inatokana na hali nzuri ya mawazo yake. Si votre système de pensée est médiocre, kama hali yako ya kuwaza ni mbovu, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce système de pensée. Huwezi kwenda zaidi ya mawazo yale. Alléluia. Amen. Vous voyez que par exemple dans certains pays, katika mainchi fulani, je ne sais pas si c'est dans notre nation c'est aussi possible. Sijui kama katika nchi yetu hiyo nayo inawezekana. Il y a des gens qui pensent que même sur une moto vous pouvez être assis 5 personnes et ça marche. Kuna watu wanazani hata katika pikipiki mnaweza kukaa watu 5 na mnaenda. Et ils sont là 5 sur une moto. Na wanakaa watu 5 kwenye pikipiki. Et les accidents sont là. Na watu wanapiga marufuku. Le système de pensée trouve que c'est normal. Na ndani ya mafikara yao wanazani ni kawaida. Il y a même dans certains endroits, na katika maeneo fulani, un petit bus qui doit contenir 25 personnes, kabasi kadogo ka kubeba watu 25. Ils sont 40 en fait. Wanakuwa watu 40. Certains sont sur le je ne sais pas comment, tout ça c'est le si. Donc c'est un système de valeurs qui s'est installé et que c'est normal. Watu wanekaliana kama siafu. Tant que quelque chose ne change pas dans la tête, kama kitu akidabajilika ndani ya vichwa vyao, il est impossible que ça change dans la réalité. Ni vigumu mambo ibadilike kwa maisha ya kuonekana. Et en tant que professionnel, na sisi kama wafanyakazi, le succès dans la profession, kufahulu ndani ya kazi, dépend aussi de la qualité de votre système de pensée. Inalingana na namna yako ya kufikiri. Qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui guide, qu'est-ce qui essaie d'influencer votre système de pensée en tant que professionnel? Nini inashawishi mawazo yako wewe kama vile mfanyakazi? Vous savez, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Biblia inasema usifanane na karne ile. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Lakini mubadilike ndani ya akili zenu. Parce que dans le siècle présent, katika kizazi hiki, il y a des choses qui peuvent contrôler notre système de pensée. Kuna vitu inaweza kuongoza mawazo yetu. Et en tant que professionnel, il est important d'être conscient. Na wewe kama mfanyakazi ya kubidi uelewe hiyo. Les hommes et les femmes d'impact assurent qu'ils ont le contrôle de leur système de pensée. Wanawake na wanaume wenye kushawishi wanahakikisha kama wanaongoza kwa samani mawazo yao. Je suis en train d'en parler parce qu'il y a une relation très liée entre le succès dans la profession et l'intelligence d'une personne. Kuna mawasiliano katika kufaulu ndani ya kazi na mawazo ya mtu. Et je crois que dans le en swahili ça se dit bien akili ndio mali ya mtu. Ça se dit, n'est-ce pas? En français ça se dit bien. En swahili ça se dit bien. Voilà. L'intelligence c'est la richesse d'une personne. Akili ya mtu ndio mali yake. Et il y a même des akili mali. Je crois qu'il y a des noms comme ça. Il y a des gens qu'on appelle akili mali. Donc là, il faut veiller sur votre intelligence en fait. Yakubidi kuwaza kuchikamania akili yako. Si quelqu'un manipule votre pensée, mutu akiongoza vibaya mawazo yako, ou votre intelligence, ama akili yako, vous devenez le produit ou le résultat de cette manipulation. Utafanya mambo inayotokana na hiyo kazi anayofanya juu ya akili yako. Il y a beaucoup de choses que nous vivons en Afrique. Kuna mambo mengi tunaishi Afrika. Il y a des gens qui les ont réfléchi à notre place et nous continuons à les vivre aujourd'hui. Kuna watu waliyetafakaria kwa nafasi yetu na sisi tunayaishi. Dans la vie, ndani ya maisha, si vous ne voulez pas réfléchir, quelqu'un le fera à votre place. Kama upendi kutafakari, mtu atatafakari kwa ajili yako. Si en Afrique nous continuons toujours à nous amuser, à être distraits, il y a des gens qui vont penser la qualité de notre vie professionnelle. Katika Afrika kama tunazidi kuzubaa na kusinzia, kuna watu watatafakari juu ya namna gani sisi tutumike. Si vous ne réfléchissez pas pour définir votre vie ou votre futur professionnel, quelqu'un va le faire pour vous. Kama hautafakari na kupanga kazi yako ya kesho, mtu atakupangia kazi yako kesho. Si je ne peux pas imaginer moi-même là, comment est-ce que je ne peux pas créer quelque chose? Il y a quelqu'un qui est en train de créer ce boulot et définir le salaire qu'il me paiera. Kama mimi siwazi kwa kuunda kazi yangu, kuna mtu atawaza kuunda kazi yake na atawaza mshahara gani atanipatia. Et il va définir que quiconque fera ça, il aura $50 par mois. Natasema kila mtafanya hii kazi atapata dola 50 kwa mwezi. Et il doit arriver chaque jour à 7h30. Na kila siku atafika saa 1 na nusu. Il doit repartir à 16h30. Na atakwenda pasa 10 za jioni. De lundi à vendredi. Kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya tano. À la fin du mois, il passe à la comptabilité. Mwisho ya mwezi anapita kwenye comptabilité. $50. Anapata dola 50. $100. $100. Si je ne peux pas réfléchir mon futur professionnel, kama sitafakarie kesho yangu ya kazi, il y a quelqu'un qui est en train de penser à ma place et je vais aller me retrouver dans ce système là. Kuna mtu mwenye kutafakari juu yangu na nitajikuta miguuni pake. Donc il est important que les enfants de Dieu nous puissions élever notre niveau de réflexion. Watoto wa Mungu ni ya maana tuinue mawazo yetu mbali. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de quelques sources de contrôle de système de pensée. Tutongelea chemchemu fulani zinazoongoza na kushawishi mawazo yetu. Le premier c'est le système éducatif qui existe et auquel vous avez participé. Ya kwanza inakuwa ni hali ya madibisho. Votre vie peut être contrôlée ou conditionnée par le système éducatif dans lequel vous êtes passé. Maisha yako inaweza kulingana na namna jinsi uliadibishwa. Vous savez, dans certains pays, ils ont conçu leur éducation pour produire des gens qui peuvent imaginer, inventer, innover. Et dans d'autres pays, on a fabriqué des gens qui consomment et qui utilisent ce qui est déjà fabriqué. Ndani ya mainchizi moja, wameadibisha kwenye shule zao watu kwa ajili ya kuunda mambo. Na kwenye inchi zingine, wameadibisha watu kwa kuweza kutumika tu. Kutumia mambo enye wengine wameunda. Si c'est ça le système auquel vous avez participé, vous vous limitez seulement à qu'est-ce qu'on a encore produit, qu'est-ce que je peux encore consommer. Mais le niveau élevé pour imaginer, créer, innover, ça n'existe pas. Parce que votre système éducatif ne l'a pas prévu. Na wewe kama uko katika inchi hii mbofu, hali yako ya maisha itakuwa ni kujua nini waliunda ili kwamba niweze kuitumia. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent de ces contrôles là. Ni muda ambapo watoto wa Mungu waamke kutoka hiyo kuongozewa. Dans certains pays qui étaient colonisés à l'époque, katika miongoni mwa nchi zimoja zilizotawaliwa, le système éducatif qui était mis en place, hali ya madibisho iliyowekwa, permettait que le colonisateur se prépare déjà pour le servir. Ilifanya kwamba mzungu aliyetawala anaandaa wale watu kwa kuweza kuwatumikia. Et parfois nous n'avons pas attention à ça. Na tunakuwa hatuko waangalifu kwa hiyo. C'est un système qui a été mis en place pour contrôler votre pensée et limiter votre capacité d'action. Hiyo hali imewekwa kwa kuweza kukufunga na kuelekeza akili yako. Et vous n'avez pas de choix. Vous avez été contrôlé dans votre système de pensée parce que le système d'éducation ne vous permet pas d'aller au-delà de cela. Upende usipende umefungwa hapo maana hali ya akili yako haikuruhusu uende mbali zaidi. Où sont des hommes et des femmes qui sont conscients qu'il y a un système mis en place pour contrôler leur intelligence, mais qui peuvent se libérer de ces carcans. Wako wapi wale watu ambao wametambua kwamba hali ya madibisho imewafunga wasiendelee na watoke katika ile upumbavu. Nous avons besoin de professions qui excellent, qui étonnent, mais ce n'est pas avec les gens qui consomment, qui utilisent et qui sont distraits. Tunahitaji kuwa na makazi za kushitua wengine na hiyo haitakuwa na watu wenye kutarajia tu kupokea enye wengine wamefanya. La Bible dit ceux qui auront été intelligents brilleront. Biblia inasema wale waliokuwa na akili watangaa. Et parfois un système éducatif mis en place limite votre capacité de développement intellectuel. Na hali ya madibisho iliyowekwa mara fulani inazuiza hata akili yetu sione mbali. Je vous ai parlé hier de quelque chose d'important. Jana nimewaambia kitu ya muhimu. Je vous ai dit toutes ces choses qui font de ces nations puissantes qui sont craintes existent chez nous et nous marchons dessus. Nimesema ile mambo inafanya kwamba mataifa fulani ziwe na nguvu tele. Tuna yale mambo yote hapa kwetu Kongo. La seule différence est que eux ils ont développé l'intelligence pour travailler sur ces choses, mais nous limitons à les admirer, à les contempler comme quelque chose entre mes mains. Utafauti ni kwamba walizidisha akili ya kupanua ya kutumikisha hiyo vitu, lakini sisi akili yetu ni kuviona na kuvifurahia tu. Et nous payons cher pour aller les récupérer. Na tunalipa bei kali kwenda kuvichukua tena. Mais vous savez, comme si cela ne suffisait pas, kama jinsi hiyo haitoshe, pour mieux se moquer de toi et de moi, kwa ajili ya kutuziaki, surtout des Africains, zaidi kuziaki wa Afrika, on va jusqu'à dire ces téléphones, ces tablettes sont destinés à l'Afrique. Wanasema hiyo telefone hiyo tablet itabebwa Afrika. Il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner là-bas, mais c'est destiné chez toi et chez moi ici. Kuna vyombo yenye hawawezi kutumia mwinchi zao, lakini wameziunda jutu yetu sisi. Mangwanzu. Vous avez, je vous parle des choses qui sont une réalité. Ninaongelea mambo iliyo kweli. Et l'église du Seigneur doit se réveiller de ce sommeil. Inabidi kanisa liamke toka hiyo usingizi. En fait, destiné à l'Afrique parce que nous ne méritons pas la qualité. Wamevitutumia maana sisi atustahili mambo ya samani. Nous ne sommes pas dignes de cela. Atustahili mambo mazuri. Au motif que nous sommes pauvres. Wanasema tuko masikini. Qui va relever notre système d'éducation pour nous aider à nous élever aussi au-dessus de ces choses-là? Nani atabadilisha mpango wetu wa madibisho ili kwamba tutowe hiyo tatizo. Celui qui a contrôlé votre système de pensée et vous ne pouvez pas réfléchir à votre place, il réfléchit le téléphone qui vous convient. Yule anayetawala mawazo yako na anayewaza pa nafasi yako ndiye anaamua hali gani ya simu utatumia. Mais pour exagérer, il y a même des nourritures destinées à l'Afrique. Aha, eleweni kama kuna hata machakula zenye wanatuma tu ni za Afrika. Il y a des nourritures qui traversent des océans qui ne peuvent même pas transiter dans certains pays, mais qui viennent transiter chez nous. Après, la destination finale, c'est chez toi et chez moi. Kuna machakula zenye aziyezi hata kupima kukanyaga mwinchi zao, lakini zile chakula zinelekezwa tu ni hapa kwa Afrika. Nous sommes en train de parler des chrétiens et chrétiennes professionnels. Tuko naongelea wa Kristo wafanyakazi. Qui doivent révolutionner le monde professionnel dans lequel nous vivons. Ambao inabidi wabadilishe mambo ndani ya namna ya kutumika. Cet avant-midi, j'avais soif. Jioni leo nilikuwa na kiu. Et on m'a donné une bouteille. Wakanipatia bouteille. Sur cette bouteille d'eau, il y avait une petite phrase. Juya hii bouteille walikuwa wakiandika. Chupa hii walikuwa wakiandika. Seulement pour l'exportation. Hii ni wakubeba tu inje. Vous comprenez ce que ça veut signifier? Même celui qui a fabriqué, il ne peut pas commercialiser ça chez lui. Donc c'est destiné kuba tumo haivi. Mukunye le mai a tu. Mais frères et sœurs, c'est quoi cette histoire? Hata yule aliyeunda yeye atakunywa, anayeunda jutu watumie batu moya hivi. Je n'ai rien contre celui qui a produit cet eau, mais la phrase là quand même elle doit nous faire réfléchir. Siko simpinge yule aliyeunda maji hii, lakini hiyo msemwa itufanye kwamba tuwaze. Qui contrôle notre système de pensée jusqu'à imaginer des choses qui nous conviennent? Nani anaongoza mawazo yetu mpaka kutafakaria ile ambayo tunastahili? Alléluia. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu se lève. Ni muda ambapo kanisa la Bwana lisimame. Il est temps, il y a même des jus qui circulent dans nos pays ici qui ne peuvent pas être consommés là où ça vient. Kuna majuice zinatembea katika nchi yetu na kule kwa zinatoka haziwezi kutumiwa. Alléluia. Amen. J'étais dans un pays, je crois en dehors de l'Afrique. Nilikuwa ndani ya nchi ya Afrika. Eh, mimi ndauliza, est-ce que mimi zapata nido? Nido c'est quoi en fait? Nikakwenda kuuliza ndani ya duka, ninaweza kupata nido? Vous pouvez imaginer la réponse. C'est vrai ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. Il y a des nourritures destinées pour l'Afrique. Kuna machakula tu za Afrika. Si nous ne pouvons pas penser notre futur, kama tuwazie kesho yetu. Si nous ne pouvons pas penser notre avenir, kama tuwazie kesho yetu. Il y a les autres qui le pensent à notre place. Wengine wako na iwaza kuna fasi yetu. Et ils excellent dans leur profession. Na wanaendelea ndani ya makazi zao. Et nous devenons les consommateurs. Na sisi tunakuwa tukitumia tu. Et nous devenons les utilisateurs. Tunakuwa wenye kutumia. Que Dieu donne à chacun d'entre nous. Mungu apatie kila mmoja wetu. Une intelligence Akili. Qui se lève au-dessus du système mis en place. Inasimama juu ya mawazo qui nous maintient comme des esclaves et des captifs. Iyo mawazo ya kutufanya kuwa watumwa. Qui ne peuvent rien imaginer sauf utiliser ce qui est consommé. Watu ambao hawawezi kuunda kuliko kutumia tu iliyo hapo. Alléluia. Amen. Une autre forme de contrôle. Hali nyingine ya mawazo. Il y a des philosophies, il y a des pensées véhiculées. Vous savez qu'il existe des programmes de télévision ou des films qui ne peuvent pas être diffusés là où ils ont été produits. Unajua kuna mipango ingine kwenye TV haiwezi kutumiwa, haiwezi kuitimiza kule kwenye wameitunda. Mais c'est devenu, nous sommes le marché de commercialisation de ces films-là. Lakini sisi unakuwa kituzishia iyo mamipango yao. Et il y a même des films, des programmes conçus pour conditionner intellectuellement les gens. Na kuna ingine mipango ya filamu imeundwa kwa kuweza kuelekeza mawazo ya watu. Certains se pour démontrer que les êtres sont forts intelligents. Zimoja filamu ni kwa kuonesha kwamba kuna sehemu moja ya watu wenye nguvu. Et les autres sont faibles comme de durs quoi, qui n'ont rien à faire. Na wengine wanakuwa mapumbafu. Nous devons faire attention à ce système de conditionnement qui existe. Tufanye angalisho hata na hiyo mafilamu hiyo. Je pense qu'il est temps que nous, les Africains, on se lève. Ni muda ambapo wa Afrika tusimame. Les enfants de Dieu, nous devons nous lever. Watoto wa Mungu yatubidi kusimama. Job dit dans son récit historique. Ayubu anasema katika historia yake. Il dit que je me tenais devant mon peuple pour lui montrer le chemin à suivre. Anasema nilikuwa nasimama mbele taifa yangu kwa kuonesha njia ya kufuata. Et le professionnel, vous devez vous élevez au-dessus de ces choses qui contrôlent la pensée. Wafanya kazi tusimame juu ya hiyo mambo inazuiza akili yetu. Vous savez, ce genre de philosophie peuvent conditionner même votre mode de travail. Filosofa hizo zinaweza kuelekeza hata namna yetu ya kutumika. À un moment donné, Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Muda fulani Joshua alikuwa akisema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tout ce que je gagne, tout ce que je fais, Dieu doit trouver son compte. Yote nafaidia, yote nilionayo inabidi Mungu apate sehemu yake humo. Il y a des philosophies qui peuvent contrôler votre système de pensée qui vous oriente vers les efforts de survie. Kuna filosofia ambazo zinaweza kuongoza akili na mawazo yako na inakuelekeza katika hali fulani ya maisha. Quelqu'un qui dans sa vie il pense qu'il travaille pour la survie. Mtu ambaye katika maisha yake anawaza kwamba anatumikia tumbo tu. Il ne peut pas exceller au plan professionnel. Hawezi kuendelea mbali ndani ya kazi. Dès que j'ai la nourriture à manger à la maison. Wakati nilikula leo vizuri kunyumba. Et que j'ai achevé ma maison que je publie sur toute la République à travers les réseaux sociaux. Na nimemaliza kujenga kanyumba kangu kenye mina publie fasi yote. Et que je viens de faire entrer ma jolie voiture. Na nimeingiza kagari kangu. Qui fait l'objet d'une cérémonie d'ailleurs. Na tunakafanyizia fête. Je suis arrivé. Unasema nilishafika. C'est une forme de vie, c'est une forme de philosophie, de pensée qui contrôle votre vie professionnelle. Iyo ni hali ya mawazo inayongoza hata kazi yako. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, si j'ai un poste là, je le retiens, je suis arrivé, je suis là, je reste. Wakati unakuwa na kiti fulani ndani ya kazi, unaikangamania na kusema sitatoka. Tu ne peux même pas imaginer que je peux aller au-delà de ce que j'ai maintenant. Hauna hata mawazo ya kuona kwamba unaweza kuenda mbali kuliko hiyo. Il y a d'autres qui ont une philosophie, vivons, mangeons, boire parce que demain nous mourons. Kuna wengine akili yao upumbafu wao nawaambia tukule tukunywe maana kesho tutakufa. Il y a une certaine forme de pensée qui peut être en vous qui dit les choses qui se passent dans mon environnement ne me concernent pas. Kunaweza kuwa hali fulani ya mawazo na kuwa ndani mwako unasema yote inaokuwa katika mazingira yangu hainuhusu mimi. Et tout ce qu'il fait c'est pour lui en fait, c'est un peu une sorte d'égoïsme. Yote ambao ako nafanya ni kwa ajili yake tu. Pour se vêtir. Anafanya pour sa famille, juu ya kujivika, juu ya jamaa nous, yake. Enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu, nous cherchons à exceller. Tunatafuta kuendelea parce mbele, que la Bible déclare, sababu Biblia inasema, lorsque les justes se multiplient, wakati wenye haki wanazidishwa, le peuple est dans la joie. Taifa wanakuwa ndani ya furaha. Ton émergence et mon émergence kuendelea kwako na kuendelea kwangu doit contribuer à apporter une consolation. Ilete kutiwa moyo. Doit contribuer à apporter une solution dans l'environnement. Ilete suluhisho katika shida za mazingira yetu. Ça ne contribue pas simplement à me donner quelques besoins spécifiques personnels. Kazi yako isikupatie tu hitaji zako kupata majibu. Alléluia. Amen. La loi de, du contrôle de votre système de pensée. Sheria ya kuchunguza na kuongoza mawazo yako. Il y a la distraction qui peut contrôler votre système de pensée. Kuna kuzuba inaweza kushambulia hali yako ya kuwaza. Nous avons suffisamment parlé de ces choses-là hier. Tumeongelea mambo yale jana. Que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention à toutes ces technologies qui se développent autour de nous. Ya kama watoto wa Mungu tufanye angalisho na teknolojia inayokuwa miongoni mwetu. C'est des moyens efficaces pour véhiculer les bonnes informations, pour connecter les gens. Ni njia nzuri za kubeba habari. Mais par moments, ça devient l'objet de distractions et vous perdez votre temps. Muda fulani inakuwa chanzo ya kuzubaa na unapoteza muda bure. Vous savez qu'en matière de profession, le temps, il y a certains qui sont arrivés à dire que c'est de l'argent. Hakuna watu wamoja wamefikiria kusema ndani ya kazi wakati ni pesa. La distraction peut contrôler votre système de pensée. Kuzuba inaweza kushambulia hali yako ya kutafakari. Au lieu de penser à ce qui est utile et essentiel, kuliko utafakarie mambo ya maana, tu vis dans la distraction. Unaishi ndani ya kuzuba. Si vous ne réfléchissez pas, personne ne le fera pour vous. Kama hautafakari, hakuna mtu atatafakari kwa ajili yako. À la limite, si quelqu'un le fait, ce sera pour vous exploiter et pour son avantage. Mwingine akitafakari juu yako, itakuwa ni kwa ajili ya kukutumikisha na kufaidia kumgongo yako. Je prie que Dieu nous donne de bonnes idées pour mettre en place même des initiatives communes. Naomba Mungu atupatie mawazo ya kutia nafasi moja, makampuni mamoja. Quatrième source de contrôle de la pensée des enfants de Dieu. Lengo la jambo ya ine inayoelekeza mawazo ya watu. Il y a la peur de l'échec quand nous travaillons ensemble. Inakuwa hiyo woga ya kushindwa kama tunatumika pamoja. Oh, la réussite dans la profession, kufaulu ndani ya kazi, ou des professions d'impact, ama kazi zenye kushawishi, à un moment donné nous obligera itatushurutisha muda fulani de nous mettre ensemble pour travailler. Tuungane kwa kuweza kutumika pamoja. Alléluia. Amen. Vous allez trouver les gens sont dans une même église. Mtakuta watu wako ndani ya kanisa moja. Nous pouvons louer ensemble. Tunaweza kusifu pamoja. Nous pouvons prier ensemble. Tunaweza kuomba pamoja. Quand ça arrive la dimension de nous mettre ensemble au plan professionnel, il y a beaucoup de réserves. Wakati inakuwa jambo la kutumika pamoja, watu wanakimbia. Pour des raisons qui peuvent être évidentes et réelles. Wanaweza kuwa na masababu zilizo kweli. Mais à un moment donné, si nous parlons de l'impact chrétien, muda fulani tunapongelea kushawishi kwa Kikristo, nous serons appelés à travailler ensemble à un certain moment. Itahitajika tutumike pamoja. Notre bien-aimé, le pasteur Adassa, a parlé du pouvoir d'association lorsqu'elle est intervenue. Mchungaji Adassa aliongelea kuhusu nguvu ya wasiliano. Si nous ne faisons pas attention, notre système de pensée peut être contrôlé par la peur d'échouer et nous restons là chacun pour soi, individuellement. Nous prions, nous confessons la foi, mais chacun pour soi en tout cas. Kama tuko wangalifu, akili yetu inaweza kushambuliwa na woga wa kutumika pamoja na hapo inasukuma kila mmoja atumike kwa njia yake. Et notre système de pensée peut être orienté de ce côté-là. Nous oublions qu'il y a des avantages lorsque nous pouvons travailler ensemble. Hali yetu ya kuwaza inaweza kuelekezwa kwa njia hiyo na tunasahau. Je sais qu'il y a des pièges et des défis que nous pouvons rencontrer. Najua kuna mitego na shida tunaweza kukuta. Mais nous devons relever ces défis absolument. Yatubidi tuinue, tupiganishe shida. Au lieu de nous laisser guider et contrôler par cette peur, kuliko hiyo mawazo ya woga itushambulie. Nous devrions chercher à comprendre trois choses en réalité. Ya maana tutafute kuelewa vitu tatu. Quelles sont les causes des échecs lorsque nous nous associons en tant qu'enfants de Dieu? Msingi ya kushindwa kwetu inakuwaka wapi wakati yetu sisi watoto wa Mungu tunaungana kwa kutumika pamoja? Qu'est-ce que les autres font pour réussir? On voit quand même déjà à l'extérieur de l'église qui s'unissent et qui réussissent. Kule inje, wengine wanafanyaka nini ili kwamba wafahulu? Et nous les apprécions, nous les admirons. Na tunawatamani. Pourquoi nous qui avons Dieu, parfois c'est difficile? Kwa nini sisi tulio na Mungu tunashindwa? Quels sont les principes, les règles qu'ils respectent pour réussir ensemble? Ni kanuni gani wanatimiza kwa kuweza kufahulu wakitumika pamoja? Dans la vie en général, ndani ya maisha, et la vie professionnelle en particulier, na maisha ya kikazi, un échec ne signifie pas que vous allez échouer toujours. Kama ulishindwa leo haimaanishi utaendelea kushindwa siku zote. Si quelque chose n'a pas marché quand nous étions ensemble, on peut toujours réessayer par la grâce de Dieu. Kama kitu haikufaulu tulipotumika pamoja, tunaweza kupima tena baadaye. J'aime une histoire dans la Bible. Ninapenda historia moja Biblia katika Biblia. Dans Genèse chapitre 11. Mwanzo sura yake ya 11. Cette histoire est même très connue. Hiyo historia inajulikana sana. Genèse chapitre 11, le verset 1er. Voici, il s'agit de l'histoire de la tour de Babel. Ni habari za mlima mnara wa Babeli. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Ulimwengu zima ulikuwa na lugha moja na inchi moja. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Je vais lire. Okay. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Il y a une puissance lorsque des hommes et des femmes se mettent ensemble, même vision, même présence. Ils se mettent d'accord. Kuna nguvu inakuwa wakati watu wanaungana pamoja. Et lorsque vous vous mettez d'accord sur une chose, ça va jusqu'à attirer même l'attention de Dieu. Na mukipatana kwa ajili ya kitu fulani, inavutia hata macho ya Mungu. L'exemple de la tour de Babel, mnara wa Babeli kwa mfano, démontre clairement que des hommes et des femmes dans une génération peuvent s'unir, entreprendre ensemble et faire quelque chose qui crée une identité pour eux. Historia inaonyesha kwamba watu wanaweza kuungana na kukamata uamuzi wa kufanya kitu moja fulani. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous parlons de la réussite dans la profession. Sisi kama watoto wa Mungu tunaongelea kuhusu kufaulu ndani ya kazi. Nous avons besoin d'explorer cette dimension aussi. Tunahitaji kuishi kiwango kile. Que la peur ne contrôle pas notre système de pensée. Woga isishambulie mawazo yetu. Pour ramener chacun dans sa cachette. Kwa kuleta kila mmoja atumike kiupekee. Alors, c'est vrai que nous pouvons avoir certaines raisons pour avoir peur de travailler ensemble. Ndio tunaweza kuwa na masababu za kusimamisha ile woga ndani mwetu. Et je vais partager certains exemples avec vous. Ninawapatia mifano fulani. Certains projets échouent dans les églises ou dans le milieu des enfants de Dieu. Miradi fulani inashindikana katika maisha ya Wakristo. Parce que nos critères de sélection ou de choix ne sont pas professionnels. Sababu sheria za kuweza kuchagua wa kutumika hazikwake za kikazi. Parfois c'est basé sur la pitié. Mara mingi kwa kuchagua wa kutumika tunakuwa na huruma. Tu sais, c'est un frère, une sœur avec qui on a marché quand même longtemps. Nana ni ndugu mwetu tunaishi naye siku zote. Il prie quand même bien, il est sérieux. Anaombaka, anaonekanaga kuibada. Est-ce qu'on ne peut pas lui confier cette responsabilité? Situmpatie hii jukumu. La question d'être sérieux ne remplace pas le fait d'avoir des compétences. Kukuwa serious kanisani haimaanishi unakuwa na mamlaka ya kutumika. Il peut avoir la bonne foi. Anaweza kuwa na moyo safi. Elle peut être intègre. Anaweza kuwa mwaminifu ndio. Mais l'intégrité n'amène pas forcément la compétence. Uaminifu haiko njo uwezo ndani ya kazi. Si le frère ou la sœur est sérieux ou sérieuse, kama huyo kaka dada anakuwa mwaminifu, nous devons nous rassurer qu'il a les compétences par rapport au travail que nous voulons lui confier. Tuhakikishe kama ana uwezo kulingana na kazi inayokuwa. S'il n'est pas capable, nous pouvons lui offrir l'opportunité d'apprendre. Kama ana uwezo inayohitajika tumpatie fursa ya kusoma. Si il a besoin d'être accompagné, nous pouvons l'accompagner. Kama anahitaji kusindikizwa, kulelewa, tumpatie fursa tumlee. Et s'il ne peut pas produire les résultats qu'on attend, on le met de côté, c'est simple. Na kama atajibu kwa haja ya kazi, tumweke pembeni. Le monde professionnel n'est pas un monde de pitié. Ulimwengu wa kazi haiko ulimwengu wa huruma. C'est un monde, je vous ai parlé de la qualité. L'excellence, la qualité ne marche pas avec la pitié ou la miséricorde. Unajua mambo ya samani haitembei yake na huruma. Soit la personne connaît ou elle ne connaît pas. Inabidi mtu akue anajua ama ajui. S'il doit appliquer le principe de comptabilité, son sérieux ne va pas lui apprendre la comptabilité. Kama tunahitaji mtu wa kufanya ma account, inabidi awe na ujuzi kwa ajili ya hiyo. Alléluia. Amen. Nous serons en train de prier, de louer le Seigneur, mais on a laissé un frère, une sœur qui ne sait rien. Sorry. Nous allons être en train de bénir le Seigneur, Mais après, on a placé à une place quelqu'un qui ne sait pas faire son travail. Tutakuwa na mtukuza Mungu na kumsifu ijapokuwa hapo tunatia mtu asiyejua lolote. Et notre pitié, notre miséricorde va gâcher notre marche vers le succès dans la profession. Na huruma yetu itaribisha kazi na inakufa. Alléluia. Amen. Un autre piège pour nous les enfants de Dieu. Ingine mtego kwetu sisi watoto wa Mungu. Qui fait que parfois on ne réussit pas dans ce que nous entreprenons. Inafanya kwamba tusifahulu katika makazi tunafanya. Qui est connecté à une sorte de contrôle de notre système de pensée. Inayoungana na hali yetu ya kuwaza. C'est une sorte de confiance totale, aveugle et naïve. Inakuwa nikuwa na ni kutumainia sana mtu. Dans le monde professionnel, ndani ya kazi, la confiance est toujours accompagnée par le contrôle. Unaweza kutumainia mtu lakini unamchunguza kwa makini. Alléluia. Amen. Nous parlons aux professionnels chrétiens ce soir. Tunaongelea wafanyakazi wa Kikristo jioni ya leo. Même si vous avez confiance totale à quelqu'un, hata kama unaminia sana mtu, le contrôle sérieux, rigoureux et régulier doit accompagner votre confiance. Uchunguzi wa kilindini inabidi iwe. On raconte l'histoire d'une maman qui avait son magasin, je crois une boutique. Wanaongelea mama ambaye alikuwa na duka. Qui était aussi victime de cette confiance totale de ceux qui travaillaient pour elle? Chaque jour, elle allait à l'église, elle priait le Seigneur, elle intercédait. Et ça marche là-bas, oui, maman, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Yeye alikuwa anakwenda kanisani anaomba na sifu Mungu akiuliza huko ripoti mambo inaendeka wanasema ndio mambo ni shwari. Jusqu'au jour où il a voulu faire un peu d'inventaire, hadi mpaka siku alikuja kuchunguza, il prend le premier carton, anachunguza, anachukua carton ya box ya kwanza. C'est vide en fait. Amna kitu. Alors que tout était bien plaqué là comme marchandise comme boutique en fait. Ijapokuwa ma box zote zilikuwa hapo. Il ouvre le deuxième carton. Anafungua box ya pili. C'est la moitié. Ni nusu. Le troisième il est vide. Ya tatu amna kitu. Le quatrième kama manguo walizingiza ndani pour que carton iko na forme. Ya ine walitia ndani manguo ili kwamba hiyo box ijae. Le succès au plan professionnel ushindi ndani ya kazi exige le sérieux dans ce que vous faites. Yahitaji uangalifu katika mambo unafanya. Et avec les gens avec qui nous travaillons. Na vile vile kuchunguza vizuri watu ambao unatumika na wao. Sans un contrôle sérieux et rigoureux, pasipo kuchunguza kwa makini, il y a des gens qui vont réfléchir à votre place. Kuna watu watatafakari kuna fasi yako. Ils vont s'occuper bien de votre richesse. Watausikia, watachangamukia utajiri yako. Cette naïveté a accompagné beaucoup d'enfants de Dieu et qui se sont rendu victime à cause de la confiance totale. Iyo uzembe ilifuatana na Wakristo wengi na wakafikiria kupoteza. Et la Bible va jusqu'à dire ceux du dehors semblent être malins plus que vous. Na Biblia nasema wale walio wa nje wanafanana kuwa wajanja kuwashinda ninyi. Nous devons développer nos, si vous voulez être professionnel qui réussit, appliquez les principes professionnels. Kama unapenda kuwa mfanyakazi anayefaulu, timiza kanuni za wafanyakazi. Alléluia. Amen. Nous avons besoin réellement d'élever notre niveau de pensée. Tunahitaji tutafakarie mbali tena. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de faire l'analyse, surmonter cette peur de l'échec. Tunahitaji kutafakaria na kuinuka juu ya hii woga ya kushindwa. Parce que si nous continuons avec ce système de pensée motivé, guidé par la peur de l'échec, quand nous travaillons ensemble, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire. Kama tutendelea kuwa na woga ya kushindwa, kuna vitu hatutafikiria kufanya. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Et lorsque vous êtes un frère, une sœur à qui une responsabilité vous sera confiée, nous avons besoin de l'intégrité et de l'honnêteté. Parce qu'il y a vraiment des gens qui, visiblement, nous sommes OK, mais au fond, il a autre chose dans son cœur. Il y a des gens qui, visiblement, il peut paraître sérieux, chrétien, craignant Dieu, mais dès qu'il a accès à une question de gestion, il devient une autre personne. Kuna watu wakati awajakuwa na kitu wanafanana kuwa waminifu, wazuri, wapole, me anapopata kitu mikononi, mapepo inapanda mkichwa. Alléluia. Amen. Pour réussir dans la profession, kufahulu ndani ya kazi, vous devez vous rassurer que vous avez l'autonomie de la pensée. Inahitaji kwamba uwe mtu mwenye kuongoza vizuri mawazo yako. Vous pouvez déterminer votre futur professionnel. Unaweza kuelekeza kesho yako kwa kikazi kesho vizuri. Nous venons de parler du système éducatif. Tumeongelea kuhusu hali ya madibisho. Nous venons de parler de philosophie, de pensées qui sont véhiculées pour contrôler le système de pensée des gens. Tumeongelea mawazo inayoelekeza akili za watu. Nous voulons parler de la distraction qui peut aussi vous faire perdre votre temps utile. Nous venons de parler aussi de la peur de l'échec. Surtout la peur de l'échec si on doit travailler ensemble. Je voudrais parler d'une autre loi importante qui accompagne tout professionnel dans son succès. C'est l'utilisation maximale du potentiel que Dieu a placé à toi. Utiliser au maximum. Kutumikia kinaganaga, kutumikisha kinaganaga. Exploiter au maximum. Kutumikisha kwa kinaganaga. Le potentiel. Uwezo que Dieu a placé en toi. Mungu ameweka ndani mwako. La réussite professionnelle est liée à ce que Dieu a placé en toi comme potentiel. Kufahulu ndani ya kazi yako italingana na uwezo Mungu ameweka ndani mwako. Notre papa a enseigné il y a longtemps que le premier capital que Dieu donne à chaque être humain, c'est le potentiel à lui. Tangu siku zimepita baba yetu anatufunza akisema utajiri ya kwanza ya mtu inakuwa ni kipaji alichonacho. Vous allez réussir dans votre vie professionnelle en fonction de comment vous utilisez le potentiel à vous. Utafaulu ndani ya kazi yako kulingana na jinsi uko natumia uwezo ama kipaji ulionayo. Le potentiel dont je parle ce soir, kipaji nalongelea jioni ya leo, ce sont les capacités naturelles que Dieu a investies à vous. Inakuwa ni uwezo wa kizalikio ambao Mungu ameweka ndani mwako. Ce sont les dons que Dieu a placés en vous. Inakuwa ni karama umekuwa nazo. Il y a des choses que vous sentez que ça c'est moi. Kuna vitu unasikia na kusema hii ni mimi. Le panier des offrandes va circuler. Vitunga vya sadaka. Pendant que nous continuons, tunapoendelea. Vous ne pouvez pas réussir en dehors de ce que Dieu a placé en vous. Awezi kufahulu kinyume na yale Mungu ameweka ndani mwako. Et la Bible est excellente lorsqu'elle parle de la parabole des talents. Na Biblia ni bora ni nzuri inapoongelea historia ya talanta. Il y a des choses que Dieu a remis à chacun d'entre nous. Kuna vitu Mungu amepatia kila mmoja wetu. Alors, j'aimerais dire quelque chose d'important ce soir. Acha niwaambie kitu ya maana jioni ya leo. Les choses que Dieu a investies en vous et moi, mambo ambayo Mungu aliweka ndani mwenu na ndani mwangu, c'est un message divin. Inakuwa ujumbe ya Kikristo. C'est un langage de Dieu. Inakuwa msemo wa Mungu. Pour vous dire, en fait, quelle est votre orientation professionnelle? Kwa kuwauliza njia yako ya kazi ni gani? Ce que Dieu a placé en vous, yale Mungu ameweka ndani mwenu, c'est un message sur ton destin. Ni ujumbe kwa ajili ya kesho yako. C'est un message sur ton orientation professionnelle. Ni ujumbe kwa ajili ya jinsi utelekeza kazi yako. Les personnes qui réussissent dans leur profession, watu wanaofaulu ndani ya kazi zao, ils ont appris à utiliser au maximum ce que Dieu leur a donné comme capacité. Walijifunza kujua kutumia yale Mungu amewapa kama kipaji. Certains continuent à attendre qu'un ange vienne pour leur dire ce que Dieu a prévu qu'il soit. Kuna wenye kuchunga niwaambie yale Mungu alisema nini watakuwa. Mais vous avez besoin de vous regarder vous-même. Wahitaji kujichunguza mwenyewe. Alléluia. Amen. Être capable de localiser et identifier votre talent est le premier pas vers le succès dans la profession. Kujua talanta yako ni gani, hiyo ndio lengo ya kwanza kwa kuweza kuwa mshindi. Vous savez, vous pouvez observer un frère ou une sœur dans cette union musicale. Unaweza kumuona ndugu dada katika kwaya inyo musical. La manière dont il chante, namna jinsi anaimba, la manière dont il s'approprie ce qu'il fait, namna jinsi anashika kazi anayofanya, c'est un message par rapport à son futur professionnel. Ni ujumbe kulingana na kesho yake. Il y a des personnes dans cette union musicale, kuna watu katika hii kwaya, que Dieu a destiné à parler au monde entier à travers des chants, des paroles inspirées, ambao Mungu ameita waweze kuongea na ulimwengu mzima kupitia nyimbo, et qui réussiront dans leur vie en exploitant au maximum ce talent. Na watafaulu katika maisha yao wanapotumia vizuri hiyo talanta. Mais si vous êtes en train de chercher quelque chose autre, wakati unatafuta mambo mengine, vous allez passer à côté du talent que Dieu vous a donné. Utapita pembeni ya talanta Mungu ameweka. Et de l'orientation professionnelle que Dieu vous a donné. Na maelekezo ambayo Mungu amekupa juu ya kazi. L'impact ou la réussite dans la profession, kushawishi ama kufahulu ndani ya kazi, arrive lorsque vous êtes capable d'utiliser ou exploiter au maximum votre potentiel. Inafika ni wakati unatumia vizuri uwezo ama talanta yako. Il y a des personnes à qui Dieu a donné une capacité élevée d'imagination. Kuna watu ambao Mungu amepatia uwezo mkubwa wa kutafakari. Une capacité élevée de conception. Mamlaka kubwa ya kuunda mambo kimawazo. Une capacité élevée de communication. Mamlaka kubwa ya kuongea. Tu peux lui donner une idée. Unaweza kumupa mawazo. Il récupère, il schématise tout ce que tu voulais dire. Anaishika na anapana njia za kufuata kwa kuitimiza. C'est la fertilité intellectuelle. Iyo inakuwa usitawi wa kiakili. C'est la productivité intellectuelle. Inakuwa usitawi wa kiakili. Vous savez que votre parole peut mobiliser des ressources, n'est-ce pas? Unajua neno yako inaweza kuleta utajiri. Il y a même, vous pouvez avoir un PDG qui dit, moi je ne sais pas parler, c'est toi qu'on va envoyer dans cette réunion-là. Kuna mtu atasema, mimi sijue kuongea ni wewe tunatuma. Et ça, c'est un don, c'est un potentiel que Dieu a placé en toi. Iyo ni karama, ni uwezo Mungu ameweka ndani mwako. Votre capacité de parler attire des ressources vers vous. Uwezo wako wa kuongea unavuta pesa na utajiri. Je vous ai parlé des gens qui écrivent et les gens achètent des livres par milliers. Nimewaambia kuna watu wanaandika na maelfu ya watu wananunua vitabu vyao. Votre idée peut procurer de l'argent. Mawazo yako inaweza kuleta pesa. On parle de quelqu'un qui avait approché la société Coca-Cola, je crois vous connaissez l'histoire. Wanaongelea mtu mmoja mwenye alikuja kwenye hiyo kampuni Coca-Cola. À l'époque les gens venaient se servir sur des fontaines pour avoir le Coca ou soit le Fanta. Zamani watu walikuwa wanakuja kwenye robinet kwa kuweza kushota Coca-Cola. Et c'est comme ça que c'était commercialisé. Ni hivyo ndivyo ilikuwa ikiuzishwa. Quelqu'un est allé approcher la compagnie pour dire vous pouvez vendre plus que ce que vous faites. Na mtu alikuja na kuambia mnaweza kuuzisha zaidi ya hiyo mnafanya. Si vous mettez ça dans des bouteilles et vous allez distribuer à travers le monde entier. Kama mnetia ndani ya chupa na kuibeba mali pote duniani. Mais vous devez me payer si vous prenez mon idée. Lakini mtanilipa kama mnachukua mawazo yangu. Et l'idée a rendu cette personne riche. Na hiyo mawazo ilifanya huyo mtu awe tajiri mkubwa. Que faites-vous de votre intelligence? Nini namna gani unatumia akili yako? Que faites-vous de votre capacité de réflexion. Je watumia namna yako ya kutafakari. Il y a des gens qui ont une capacité élevée de coordination d'organisation. Kuna watu wanakuwa na uwezo kubwa ya kuongoza mambo. Je pense qu'il y a des gens qui sont appelés par Dieu pour être comme des organisateurs sociaux. Kuna watu wameitwa na Mungu kwa ajili ya kuwa wenye kuunga mambo katika jamii. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même incapables d'organiser leur propre vie. Unajua kuna mtu mwenye yeye peke anashindwa jinsi ya kupanga maisha yake. Si nous invite à ton anniversaire, on arrive à un désordre terrible. L'anniversaire, tu ne peux pas organiser ça. Unatualika kwenye birthday yako lakini haujui hata kupanga mambo. Ta capacité d'organisation d'un anniversaire est faible. Uwezo wako ya kuandaa karamu yako ya siku ya kuzaliwa inashindikana. Parfois c'est plus grave si vous allez visiter les chambres à coucher déjà. Désordre total. Inakuwa ole unakwenda kuona wapi mtu analaliaka umo ndani ni soko. Et nous faisons l'erreur ou l'imprudence de te confier la responsabilité à un poste. Le désordre qui est dans la chambre, ça va te retrouver même sur ton table, sa table. Tukifanya tu kosa ya kukupatia uongozi fulani, hiyo hiyo disorder itakukuta hata na ndani ya kazi. Est-ce que je peux avoir ce papier là? Nilitia tena wapi? Iko hapo. Donc, même les choses qu'on vient de te remettre, il y a seulement 10 minutes, tu ne sais plus le retrouver. Ata mambo wamekupatia dakika 10 imepita, waujui umeitia wapi? La capacité d'organisation dans votre profession. Uwezo ya kupanga mambo vizuri ndani ya kazi yako. Il y a des talents que le Seigneur a donné aux uns et aux autres. Kuna talanta Mungu amepatia wamoja na wengine. Et vous pouvez simplement être récupéré à cause de cela. Na unaweza kuchikwa ndani ya kazi kwa ajili ya hiyo tu. Quelqu'un disait, lorsque vous avez l'opportunité d'exposer votre talent, faites-le très bien parce que vous ne savez pas qui est en train de vous observer. Mtu mmoja amesema, kama una fursa ya kutumia talanta yako mbele ya watu, fanya vizuri, maana ujue ni wanani wanakutizama. Un frère devrait faire un exposé dans un atelier. Kuna ndugu mmoja ilibidi aongee ndani ya mkutano kidogo. Il l'a fait bien avec élégance. Alifanya vizuri sana. Heureusement, il a pris soin d'être aussi bien habillé. Na alifanya alijipanga sawa sawa kwa kukua vizuri. Et il y a quelqu'un qui était dans l'assemblée, c'était en fait le responsable d'une organisation. Na kuna mtu mmoja alikuwa ndani ya mkutano na alikuwa kiongozi wa kampuni kubwa. Il a vu la personne, il a été émerveillé sa façon de parler, son élégance, il dit voilà, je crois que cette personne peut être à côté de moi. Aliona huyo mtu na akasema hapana, huyu mtu inabidi awe karibu yangu. Et le jour où l'opportunité s'est présentée, il a fait chercher le garçon. Na siku ambapo kulikuwa fursa ya kazi akatafutisha huyo kijana. L'exploitation, l'utilisation de manière optimale de ce que Dieu a prévu à vous, vous ouvre des portes sans que vous le sachiez. Kujua kutumia vizuri ama kufanya vizuri ile kitu kidogo Mungu anakupa ufanye inafungua milango kubwa. Alléluia. Amen. Je vais vous donner deux exemples pratiques dans la vie. Nitawapa mifano mbili ya maisha. Vous savez les radios que nous avons dans nos maisons? Ma radio tulizo nazo nyumbani mwetu. La radio a ce qu'on appelle le volume. Radio inakuwa na kitu wanaita ya sauti. Alors, le volume, c'est vous qui déterminez quel degré de voix vous voulez écouter. Iyo nafasi ya kupandisha sauti ni wewe unasema nitapandisha mpaka kiwango gani. Si tu mets le volume à 10%, probablement tu vas écouter la musique simplement dans ta chambre. Kama unasikia, unatia sauti kidogo, utasikia tu ni kwa chumba lako. Lorsque tu augmentes un peu à 30%, il est possible que quelqu'un qui est dans une autre chambre va écouter. Ukiongeza tena kidogo, inawezekana mwenye kuwa mchumba jirani atasikia. Tu peux augmenter à 50%, c'est peut-être tout le monde qui est dans la parcelle écoute la voix de la radio. Ukiongeza tena zaidi, walio ndani ya kiwanja watasikia. Et si tu montes encore à 70%, 70%, ça peut même être attendu dans le voisinage. Le voisin peut aussi écouter. Ukiongeza tena juu, hata majirani wataanza kusikia. C'est de la même façon que le potentiel fonctionne. Ni ivo ivo karama ama talanta inatumika. Si vous décidez d'utiliser votre potentiel à 10%, il vous sert à vous-même. I ukamua kutumia talanta yako kwa kiwango kidogo itakufaidia tu wewe mwenyewe. Si tu ouvres davantage le volume, il y a les gens plus proches de toi qui écoutent. Ukiongeza tena sauti kidogo wenye kuwa karibu na wewe wanaanza kusikia. Si tu augmentes plus haut, il y a même les passants à la route qui va écouter la musique, ils s'arrêtent pour écouter. Ukifungua tena zaidi wale wenye kupita nao watasikia na wanaanza kusimama. Le potentiel exploité au maximum va jusqu'à créer l'impact. Zawadi ambao unatumia na nguvu zote inaenda kutoa matokeo makubwa katika mazingira. Tu peux être en train de jouer une mélodie, quelqu'un il s'arrête devant votre parcelle, il commence aussi à danser parce que la mélodie est intéressante, n'est-ce pas? Unajua unaweza kwa ukipiga muziki mwenye kupita anasimama na kuanza kucheza. Lorsque le potentiel il est bien exploité, bien utilisé, il commence à faire danser les gens en fait à votre environnement. Wakati unatumia zawadi yako vizuri, watu wanasimama na kuanza kuhusika na kucheza. Mais si le volume que tu as augmenté est en train de donner une mauvaise voix, tout le monde va crier arrête cette radio là parce que c'est du bruit en fait que tu es en train de faire. Lakini wakati muziki unaupiga unasumbua masikio ya watu si nzuri, watu watasema simamishe hiyo mambo inatusumbua. Nous sommes en train de parler de professionnels qui exploitent leur talent, leur potentiel au maximum, qui fait en sorte que les gens ont besoin de consommer votre talent davantage. Tuko naongelea wafanyakazi ambao wanatumia vizuri talanta zao ili kwamba watu wahitaji tena zaidi kufaidia kazi zao. Je vais terminer ce point en disant que l'impact de la réussite dans la profession arrive lorsque vous identifiez votre potentiel et vous l'exploitez au maximum. Ninamaliza nikisema unaweza kushawishi katika kazi yako ni wakati unagundua uwezo talanta ulionayo na unaitumia na nguvu zote. Si Dieu vous a donné un poste, travaillez et excellez davantage. Kama Mungu amekupa kazi fulani, tumika na uendelee mbele zaidi. Si Dieu t'a permis de commencer un business, fais-le avec excellence. Kama Mungu amekupa mamlaka ya kufanya biashara, jitowe na uifanye vizuri. Utilise tout le potentiel qui est à toi pour écouler tes produits. Tumia uwezo wote ulionayo kwa kuweza ku beba mbele biashara yako. Et retenez que tout ce que Dieu a investi en vous, c'est un message de la part de Dieu, de son orientation professionnelle à votre vie. Eleweni kwamba yote Mungu ameweka ndani mwako inakuwa ujumbe ya Mungu kwa kuweza kuelekeza maisha yako ya kazi. Je vais boucler ce point sur le principe. Nitakomesha hii mawazo katika kuambia kanuni. Pour parler d'une dernière chose pendant 10 minutes maximum et arrêter. Nitaongea kwa dakika 10. Et je pense que c'est important pour que j'en parle. Ni maana. Donc les principes que nous avons développés ensemble pour réussir dans la profession sont 4. Tumeongelea kanuni 4 kwa kuweza kufaulu ndani ya kazi. Le premier c'est la loi de la connaissance. Sheria ya ujuzi. La qualité de la connaissance. Hali nzuri ya ujuzi. Nous avons parlé des compétences qui conditionnent la qualité et l'excellence dans le travail. Tumeongelea uwezo unaofuatana na hali nzuri ya kazi. Nous avons parlé de la loi qui contrôle le système de pensée et qui vous maintient au bas de l'échelle ou qui peut vous propulser à la hauteur. Tumeongelea kuhusu hali inayoongoza namna yetu ya kuwaza na inashawishi hata kazi zetu. Et enfin, nous venons de parler de l'utilisation au maximum du potentiel que Dieu a placé en vous. Na kwa mwisho tumeongelea kuhusu kutumia zawadi Mungu aliyokupa na nguvu zote. Il est possible que vous ferez telles études mais que votre orientation professionnelle sera tout autre chose parce que vous réussissez dans ce que Dieu a placé réellement en vous. Inaweza wezekana umefanya masomo fulani lakini Mungu anakubeba ufahulu ndani ya mambo mengine. Tu vas rester carré pour dire j'attends toujours un travail dans le domaine mais va au fond de toi-même. Seigneur, c'est quoi le boulevard professionnel que tu as prévu? Usibaki hapo na kaa ukisema nachunga kazi kulingana na masomo yangu. Ingia ndani mwako na utafakarie uwezo wa kizalikio Mungu amekupatia. Alléluia. Amen. Je parle d'une dernière chose, c'est l'attitude indispensable pour réussir dans la profession. Jambo la mwisho ni hali ambayo inahitajika kwa kuweza kufaulu ndani ya kazi. Nous avions prévu de parler des principes, des attitudes et des valeurs, mais comme le temps fera défaut, nous allons simplement aborder un aspect, une attitude indispensable. Hali inahitajika, hawezi kwenda pembeni ya hiyo. Avoir une image positive sur vous-même. Kukuwa na maono mazuri kwa ajili yako mwenyewe. Une image positive sur vous. Kukuwa na maono mazuri juu yako. Dans la Bible, il y a des gens qui se sont sous-estimés comme aujourd'hui il y en a. Ndani ya Biblia kuna wengi walijizarau kama vile ni leo. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie en général. Wengi wanashindwa katika maisha. Et dans la vie professionnelle en particulier. Na ndani ya kazi. À cause de la mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes. Kwa ajili ya mtazamo mbaya walionao juu yao. L'image de soi dont je parle ce soir. Picha mbaya ninaoongelea jioni ya leo. C'est la perception que vous avez sur votre propre personne. Inakuwa ni picha ulionao juu ya utu wako wenyewe. Vous savez, la manière dont tu te considères influence sur ta personnalité. Namna jinsi unajikamata itashawishi hali yako ya kuwa katika mazingara. Lorsque vous lisez dans 2 Samuel chapitre 9 le verset 8. Ukisoma Samueli wa pili sura ya 9 mstari wake wa 8. L'histoire fait référence à un homme qu'on appelait Mephibosheth. Historia inaongelea mtu wanaita Mephibosheth. Cet homme avait un handicap physique. Huyo mtu alikuwa kilema. Maintenant écoutez comment lui-même il se considère. Sikilizeni jinsi anajikamata. Il se prosterna et dit quand ton qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Akanyenyekea na kusema ni nani mtumishi wako ili kwamba muone yeye aliye kama vile imbwa ya kukufa. C'est trop fort en fait. Ni vigumu hii. Qui suis-je? Mimi ni nani? Pour que tu me regardes moi un chien mort. Ili kwamba unione mimi unitizame mimi niliye imbwa mfu. Il y a des gens qui vivent qui pensent qu'ils ne sont pas dignes. Kuna watu wanaishi wakizana kwamba hawastahili. Il y a des gens qui vivent qui pensent qu'ils ne méritent pas. Kuna watu wanaishi wakizana kwamba hawastahili. Il y a même des gens qui dans leur cœur ils ont développé cette forme de pensée. Kuna watu ambao mioyoni mwao ni yale mawazo wanayo. Lorsque vous avez cette mauvaise image de vous-même, wakati una picha hiyo mbaya ndani mwako, il est difficile que vous puissiez émerger au plan professionnel. Itakuwa vigumu katika kazi yako uendelee mbele. Parce que ça affecte votre personnalité. Maana itashawishi utu wako. Ça affecte votre capacité d'entreprendre. Inashawishi namna yako ya kufanya makazi. Est-ce que mieux wa hivi na mimi naweza kuwa un jour entrepreneur? Un homme comme moi puis-je créer des entreprises? Il y a des gens qui sont nés pour faire des banques. Kuna watu wamezaliwa kuunda mabanki. Il y a des gens qui sont bien nés. Kuna watu wamezaliwa vizuri. La Bible déclare. Biblia inasema. Dieu ne fait exception de personne. Mungu abagui mtu. Quiconque craint Dieu. Yoyote anemogopa Mungu. Dieu l'exauce. Mungu anamujibu. Peu importe qui tu es. Haijalishi uko nani. Peu importe ton handicap. Haijalishi ulema wako. Le Seigneur est capable de te ramasser là où tu es. Bwana anaweza kukuokota pale ulipo. Et de donner gloire à son nom. Na kutukuza jina lake. À travers un succès éclatant dans ta profession. Kupitia ushindi pasipo kipimo ndani ya kazi yako. Et la personne qui a un problème d'image et de perception de soi, mtu aliye na shida ya kujitazama, il a même un souci d'entrer en relation avec les autres. Anakuwa na shida hata ya kuungana na wengine. Notre maman, le pasteur Rosette, a parlé des cœurs troublés, des cœurs malades. Mama yetu mchungaji Rosette ameongelea moyo uliovunjika. Lorsque vous avez une mauvaise image de vous-même, wakati una picha mbaya yako mwenyewe, comme cet homme qui se décrit comme un chien, kama huyu mtu mwenye kujiona kama mbwa, comme une personne qui ne peut pas se présenter devant les autres, kama mtu ambaye astahili kusimama mbele ya wengine, vous ne pouvez pas émerger au plan professionnel. Huwezi kuendelea ndani ya kazi. Parce qu'un professionnel, il est d'abord un homme, une femme rassurée. Mfanyakazi ni mtu mwenye kujiaminia. Il parle avec assurance. Anaongea na uaminifu wote. Il convainc les autres. Ambia wengine mpaka waingie mawazo yake. Le monde professionnel, c'est un monde de compétition. Ulimwengu wa kazi ni ulimwengu wa mapingano. Il faut une personnalité forte. Inabidi uwe na utu nguvu. Une personnalité qui s'impose. Uwe na utu unaoshambulia. Et si tu as une mauvaise image de toi, kama una picha mbaya juu yako, il y a des choses que tu ne feras pas. Kuna vitu utafanyaka. N'attends pas que Dieu vienne comme il est venu chez Gédéon. Usichunge Mungu akuje kama ilikuwa kwa Gideon. Qui est venu réveiller Gédéon? Il dit, c'est toi le libérateur d'Israël. Alikuja kumwamsha Gideon na kumwambia ni wewe utaokoa Israeli. Dans cette salle, il y a les gens qui doivent créer des entreprises. Ndani ya kanisa hii kuna watu wataunga makampuni. Mais lorsqu'il voit les entreprises qui existent déjà, il dit bon, tena tutafanya sieni bishia exister. Il y a des entreprises qui doivent encore exister. Wakiona makampuni zingine unasema sibilisha kaisha tutafanya nini? La Bible déclare les choses que l'œil n'a pas encore vues. Biblia inasema mambo ambayo jicho haijaona. Que l'oreille n'a pas encore attendu. Masikio haijawahi kusikia. Des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Mambo ambayo haijapanda moyoni. C'est à ces choses-là que Dieu nous a destinés. Et le professionnel chrétien, il y a encore de l'espace pour toi et pour moi. Kungaliki nafasi juu yako na juu yangu. Il y a de l'espace pour toi et pour moi. Kungaliki manafasi juu yetu. Une génération passe et une autre vient. Kuna kizazi kimepita kingine kinakuja. Et chaque génération vit avec sa provision. Na kila kizazi kinakuja na akiba yake. Et toi et moi, nous avons la provision professionnelle pour cette génération. Wewe nami tuna akiba ya kazi kwa ajili ya kizazi. Une mauvaise image de toi-même crée deux choses. Picha mbaya juu yako mwenyewe inaunda mambo mengi. Les complexes d'infériorité. Inaleta kujizarau. Les complexes d'infériorité vous fera rater beaucoup d'opportunités. Kujizarau itafanya kwamba ukose fursa nyingi. Par moments, il faudra avoir du courage pour parler à quelqu'un avec assurance. Il te voit que tu es rassurant et il te prend comme partenaire. Muda fulani itabidi uongee na assurance kwa kuweza kukubaliwa na mtu fulani akukubali kama mfanyakazi wake. Mais tu es là comme c'est pas comme il dit chien à tout style, ainsi de suite. Tu te regardes dans le miroir, tu penses que tu ne vaux pas la peine. Il n'y a aucune créature de Dieu qui n'a pas de valeur. Wewe unakuja unashuka kujinyenyekeza nyenyekeza bure bure hapo. Hapana, hakuna mkristo ambaye ana samani. Parlez avec assurance en tant que professionnel. Ongea ukijiaminia. La deuxième chose que la mauvaise image de soi crée en nous, c'est la perte de confiance. La perte de confiance, c'est la conséquence de la mauvaise image de soi. Wakati una picha mbaya juu yako, unakuwa ukipoteza confiance. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Watu wengi hawana tumaini ya ndani mwao wenyewe. Si tu veux émerger comme professionnel, tu dois rassembler toute ta confiance. Ce n'est pas de l'orgueil. Si je sais que je sais, c'est bien. Tu sais, il n'y a pas de souci. Kama uko mfanya kazi, ya kubidi ufanye yote uwezekanayo kwa kujitumainia, kujiaminia. Tu es dans une interview, te pose des questions, dis vraiment avec humilité, ce n'est pas de l'orgueil. Réponds avec assurance, convainc ceux qui te posent des questions. Wakati uko wanakufanyisha interview kwa kuweza kupata kazi, hapana kuongea ukikunja mkia, ongea na kichwa juu, jiaminie. Il y a des formes d'humilité qui n'ont pas de place. Kuna zingine kujinyenyekeza zenye ni za kimapepo, hazina nafasi. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, tu dois marcher tête haute. Mukristo tembea ukinua kichwa. Quand je finis ma prière, wakati namaliza maombi, je marche la tête haute. Natembea nikinua kichwa. Quand je quittais l'autel de l'Éternel, nilipotoka mazabahu, je marche maintenant avec la tête haute. Natembea na kichwa juu. Le monde professionnel demande l'assurance et le courage. Maisha ulimwengu wa kazi unahitaji kujiaminia. Ça demande la force morale. Inahitaji akili yako iwe yenye nguvu. La base de tout, c'est la connaissance et la compétence. Ujuzi ile yote inakuwa misingi yoyote inakuwa ujuzi na uwezo. Et les gens chercheront tes compétences et tes connaissances. Na bipande bishuke watu watakutafuta. Je souhaite le succès dans ta profession. Na kutakia kufahulu katika kazi. Je prie que la rosée divine arrose ta profession. Naomba umande wa mbingu uwe juu ya kazi je yako. Je prie que l'intelligence divine vienne sur toi. Naomba akili ya kimungu uwe pamoja je nawe. Je prie que ton intelligence devienne productive. Naomba akili yako izae. Je prie pour la fertilité intellectuelle dans ta vie. Naomba kusita ustawi kwa akili yako. Je prie que tes diplômes soient bénis. Naomba cheti zako zibarikiwe. Je prie que tes démarches soient bénies. Naomba mambo unayofanya ifanyikiwe. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne en charge tes initiatives. Rom takatifu asapoti kazi unazofanya. Que le Saint-Esprit amplifie tes paroles. Rom takatifu apatie nguvu maneno yako. Que tes projets soient bénis au nom de Dieu. Miradi zako zibarikiwe kwa jina la Yesu. J'aimerais qu'on se tienne debout et prie le Seigneur. Ningelitamani tusimame.